Défi sport sur Fadjet. Ici, on parle uniquement de sport féminin. Bonjour, c'est Cécile. Aujourd'hui, je suis là avec Julie pour parler ce mois-ci sport et hygiène de vie. Allez, c'est parti! Alors bonjour Julie, aujourd'hui on va parler sport et hygiène de vie parce que tu as une petite histoire un petit peu particulière, un petit rapport au sport et à l'hygiène de vie un petit peu particulière, c'est pour ça que je t'ai invité aujourd'hui. On va commencer par le début, c'est-à-dire les présentations. Donc je te laisse te présenter actuellement. Ok, alors actuellement, je m'appelle Julie, j'ai 24 ans, je suis de Nancy, je suis licenciée au Nancy Athlétisme Métropole dans le groupe hors stade. Et en termes de vie professionnelle, je suis manipulatrice radio à l'hôpital de Pont-à-Mousson. Donc, groupe hors stade, c'est de la course à pied? C'est la course à pied, bien sûr, oui. Voilà, donc hors stade, c'est simplement que c'est de la course sur route? Voilà, je ne fais pas de piste, je fais uniquement de la course sur route. Ouais. Donc, depuis quand t'en fais? J'en fais, alors, dans le club, je me suis inscrite il y a maintenant 2 ans. Et j'en fais depuis le Covid, à peu près. Depuis 2020, j'ai commencé la course à pied. Tu t'y es mis toute seule? Toute seule. Donc il y a 2025, 3 ans, tu t'es mis toute seule, 3 ans toute seule avant d'intégrer un club. Ouais, c'est ça. Ah oui. Et donc là, actuellement, tu cours à quelle fréquence à peu près? Actuellement, on est plus sur 3 fois par semaine, parce que du coup, je me suis blessée l'an dernier. Ouais. Et donc voilà, là, on est sur 3 fois par semaine et à côté, parce que je fais plein d'autres choses à côté. Donc... Alors voilà, plein d'autres choses, c'est-à-dire plein d'autres sports. C'est ça, voilà, plein d'autres sports. Donc je fais de la musculation 1 fois par semaine en salle. Et récemment, j'ai intégré le pilates reformer à ma routine sportive. D'accord. Et voilà, qui va devenir prochainement une future activité professionnelle. Et donc pareil, je fais 1 fois par semaine. Du pilates. Donc pilates 1 fois par semaine, muscu 1 fois par semaine. Voilà. Et course à pied à peu près 3 fois par semaine. Et après, quand j'ai le temps, vélo, natation. Tant qu'à faire. Après, il n'y a plus assez de jours dans la semaine, de toute façon. Il faut passer au quotidien. C'est ça. Et donc, la musculation et le pilates, tu t'y es mis il y a combien de temps à peu près? La musculation, ça faisait un moment, à partir de mes 16 ans, je me suis inscrite en salle de sport. En fait, c'est le premier sport. C'est le premier sport, oui, que j'ai, parce que c'était accessible, on va dire, pour moi. Et c'est le premier sport que j'ai fait à partir de mes 16 ans. Alors, j'ai insisté sur... je te laisse te présenter actuellement, aujourd'hui. Est-ce que je peux te poser les mêmes questions rétrospectivement? C'est-à-dire qu'avant le Covid... Bon, alors ton âge? Bah du coup... 20 ans. Voilà, 20 ans à peu près. Ta profession? J'étais à l'école, j'étais étudiante. T'étais encore étudiante. Mmh. Et du coup, quel sport tu faisais? Et bah du coup, avant le Covid, je faisais uniquement de la musculation, mais pas de manière vraiment très régulière. C'est vraiment, j'y allais comme ça et j'étais pas très sportive, on va pas se mentir. Pas très sportive? Non. Donc fréquence d'entraînement, on était quand même sur un rythme hebdo ou pas? Ouais, 1 fois par semaine et encore. Hein. J'y allais, j'étais bien motivée, puis 2 semaines après, j'arrêtais. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y avait une fréquence de sortie, par contre, de sortie avec des copines un peu plus ouais, élevée? Ouais, j'ai bien profité de ma vie étudiante. Voilà. J'ai bien profité de ma vie étudiante, c'était bien. Donc au niveau... Donc l'hygiène de vie, oui, c'est clair qu'avant le Covid, elle n'était pas forcément là. En fait, j'en ai pas pris conscience que c'était autant important. Ouais. Voilà, j'ai vraiment eu ce déclic, vraiment cette période, je pense qu'on est beaucoup à l'avoir eu, en fait, quand on s'est retrouvés tous enfermés, à se regarder dans le miroir, à se dire, en fait, là, ça va pas du tout. Alors, ça va pas du tout, physiquement, mentalement, les c'était deux. Quoi? Franchement, les deux. Ouais. Franchement, les deux. En fait, j'ai vu mon corps et j'ai vu mon état d'esprit. Et je me suis dit, il va falloir que je trouve des choses à faire pour sortir de... de cette hygiène de vie là, sortir tous les soirs à dormir 3-4 heures par nuit. Les cours étaient en visio, on s'en fiche de se lever et d'allumer l'ordi et de l'activer. Ouais, sans la caméra ça passe quoi. Ouais, sans la caméra ça passe. Il y avait les restrictions, pareil, je les ai pas respectées. Je suis pas du tout un exemple sur la période du Covid, mais ça s'est passé. On va dire que ça a duré 3-4 mois vraiment où je me suis remise beaucoup en question. Et en fait, à la sortie du Covid, je me suis dit, là c'est bon, c'est maintenant, tu prends tes bonnes résolutions et par contre tu les gardes. Et après, j'ai plus jamais lâché. Et alors, dans la période Covid, tu dis que tu as beaucoup réfléchi. Le déclic, qui est vraiment le déclencheur, ça a été quoi? Il y a un moment précis où c'est un mûrissement de la réflexion? Je dirais que c'était vraiment le reflet physique que j'avais dans le miroir. J'étais un peu matrixée par rapport à ça. C'est personnel, mais tu étais toute seule au moment du Covid? Tu étais chez tes parents? Tu étais en appart étudiant? J'étais chez mes parents, j'étais revenue. Voilà. Ouais, donc tu avais quand même... C'est le reflet du miroir, mais tu n'étais pas seule. Tu avais quand même... Non, j'étais pas seule. Non, mais après, c'était pas un tabou. Hein, je l'ai fait partager à tout le monde. C'était vraiment un mal-être. Mais tout le monde le sait, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Non. Pourquoi la course à pied? Bah, la course à pied, ça va être peut-être bête à dire, mais en fait, pour moi, avant que je me renseigne un peu sur tout ce qui était perte de poids, avant que je me renseigne sur tout ça, pour moi, la course à pied, c'était du cardio. Donc, le cardio, ça faisait perdre du poids. D'accord. Donc, la course à pied pour perdre du poids. Donc, l'objectif premier, c'était vraiment ouais. la perte de poids. C'était ouais. pas vraiment la remise en condition physique non. générale. C'était, alors, c'était la perte de poids esthétique ou c'était quand même une remise en forme? Enfin, t'avais des difficultés, je sais pas, à courir dans ta vie de tous les jours, t'étais essoufflée pour monter des escaliers? Ah, bah, de toute façon, ou... oui, j'avais pas de cardio. Ah bah, ouais. J'ai jamais fait de sport avec du cardio. À la salle de sport, je faisais que pousser des poids, donc je faisais pas de cardio. Donc, j'avais pas de cardio, tout simplement. Et ouais, la course à pied, vraiment, ça a duré longtemps que c'était vraiment pour moi juste le sport pour perdre du poids. D'accord. Donc, c'était l'objectif de base. Hein, c'était vraiment pour perdre du poids. Et puis, jusqu'à m'inscrire au club, hein, ça a duré longtemps. Voilà. D'accord. Et c'est seulement après qu'on va dire la mentalité, elle a changé. Alors, est-ce que, donc, du coup, est-ce que ça a marché? Une petite question de base. Ça a marché, oui et non. Alors, je dirais pas que la course à pied fait perdre du poids, c'est pas vraiment ça. Ça a marché du moment où j'ai aussi changé mon alimentation. D'accord. Voilà. Donc, alors, tu peux nous en dire un peu plus sur... Donc, t'as commencé vraiment que la course à pied sans changer l'alimentation? Ouais, c'est ça. En fait, j'avais commencé à courir... Bah, au tout début, c'était 1, 2, 3 km grand maximum. Hein. J'étais pas sur des grandes sorties. Pareil, il y a des allures. J'avais vraiment aucune connaissance en course à pied quand j'ai commencé à courir. C'est vraiment... J'avais pris les premières chaussures qui me sont venues. Des baskets quand même? J'avais... Oui, des baskets quand même. j'avais pas de montre. J'étais pas du tout... Enfin, vraiment, la course à pied, pour moi, c'était juste aller courir comme j'allais ça. J'allais faire le tour de l'église. Ouais, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment ça. Et puis après, bah seulement après, c'est venu l'histoire de perdre du poids. En fait, c'est venu seulement une fois que j'ai changé mon alimentation. Donc au tout début, je perdais pas plus que ça. En fait, j'ai fait quoi? J'ai fait peut-être 2 mois de course à pied sans me. En disant, il se passe rien, quoi. Ouais, en disant, il se passe rien. Et puis après, bah au fur et à mesure de se renseigner, forcément, il y a les réseaux qui jouent beaucoup aussi. Pratiquement tout mon fil Instagram, c'est que ça, c'est que des recettes perte de poids, c'est un peu malsain, c'est vrai, hein, mais c'est vraiment que ça, et qu'est-ce que je peux faire pour perdre du poids, etc. Donc j'ai tout essayé en termes d'alimentation, et j'ai tenté un rééquilibrage alimentaire, et à partir de ce moment-là, quand j'ai vraiment rééquilibré bien mon alimentation, que dans ma tête, ça s'est débloqué aussi, parce qu'il y a tout un côté psychologique qui a alors joué sur ma perte de poids. C'était physiquement, alors physiquement, il n'y a pas eu de perte de poids au départ, mais est-ce que mentalement, il y a eu un bien-être dès le départ? Ah oui, complet. Bah, c'est pour ça que je continue à courir. Hein. C'est parce que quand je ne vais pas bien, je vais courir, je rentre, ça va beaucoup mieux. C'est un exécuteur, quoi, ça me permet vraiment de le libérer, mes problèmes, etc., de la journée, peu importe. Et donc mentalement, ça m'a débloqué quand même quelque chose. Je revenais, j'étais beaucoup mieux. Et en plus, donc du coup, avec l'alimentation que j'ai rééquilibrée derrière, bah après, par contre, ouais, j'ai perdu 10 kilos en un an. 10 kilos? Ouais. D'accord. Et tu les as pas repris? Je les ai repris pendant ma blessure, là. Alors, ouais, parce que t'as arrêté le sport. J'ai arrêté le sport. Bah, du coup, le fait que de s'entraîner, là, pour le coup, j'avais vraiment une grosse charge d'entraînement quand j'ai commencé avec le club. Et je me suis blessée. Donc, forcément, après, bah, le corps a pas trop compris. Je me suis arrêtée d'un coup, en fait. Et bon, là, j'ai repris à peu près 6-7 kilos. Mais c'était pas non plus comme avant, je veux dire, au niveau de physiquement, même au niveau des mensurations, parce que voilà, je me mesure pour voir à peu près où j'en suis. J'ai pas non plus énormément pris. Et puis même au niveau de la tonicité, des muscles, tout ça, c'est resté quand même. Donc non, mais par contre, il y a quand même eu un grand avant-après, course à pied. Et niveau mentalement, parce que du coup, tu as remplacé quand même la course à pied par, tu me dis, de la piscine, ouais, du vélo. Bah oui, du coup, sur les consignes médicales, on remplace la course à pied par le vélo, par la natation. On se rend compte qu'en fait, il y a d'autres sports, qu'il n'y a pas que la course à pied qui fait maigrir et que la course à pied ne fait pas réellement maigrir. C'est vraiment tout ce qu'il y a autour, en vérité. Et donc la course à pied, du coup, t'as commencé au doigt mouillé. Quand on parle du tour de l'église, t'es parti, tu fais 1 km, 2 km. Et à partir de quel moment tu t'es renseignée également sur les plans? Que à partir du moment où t'es allée du en club? Du moment où je me suis inscrite. Ouais. Ouais. Sinon c'était vraiment. Ouais, quand je suis arrivée au club, j'ai regardé le plan, j'ai vu EF, EA, des apostrophes, des. Mais ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne comprenais rien du tout. Je comprenais rien. Je savais pas c'était quoi les allures. Je me souviens, on m'avait dit bon bah pour rentrer dans le club, il y a quand même des prérequis, c'est de courir à 5:30 quand même pendant 1 heure. Je savais pas ce que c'était 5:30, je n'avais même pas de montre. Donc, d'accord. Je suis vraiment arrivée, moi j'ai payé ma licence sans même faire de test, je savais pas c'était quoi mon niveau. D'accord. Je suis arrivée telle une pure débutante en fait. Et j'étais plongée dedans après, puis au fur et à mesure j'ai appris. Mais ah oui, non, au doigt mouillé complet. C'est autodidacte complet, quoi. Complètement. du coup, au début de ce changement, t'as rencontré des obstacles? Ne serait-ce que, bah, comme tu dis, tu y vas avec pas de montre, pas de basket, tu t'es pas fait mal? Toute seule, tu t'es pas fait mal? Non, toute seule, je me suis pas fait mal parce que je pense que j'avais pas non plus une charge d'entraînement très élevée. Et j'avais quand même toujours gardé le renforcement musculaire à côté. J'avais comme toujours à la salle. Et c'est vrai que l'alliage des deux, bah, ça m'a permis de ne pas me blesser, je pense. Et, mais bon, après, par contre, je ne progressais pas. Oui. Et alors, de ne pas progresser, c'est pas démotivant à un moment donné ? Bah, non, t'avais la perte de poids quand même de l'autre côté qui compensait. Ouais, voilà. En fait, comme c'était mon objectif premier, je courais, je perdais du poids. Donc, du coup, bah, moi, la mission, elle était remplie, en fait, dans mon cas. Par contre, courir plus vite ne m'intéressait pas sur le moment. Ouais. J'avais pas du tout d'objectif de chrono. Je savais même, enfin, je me chronométrais même pas. Je faisais pas de course. J'étais pas du tout là-dedans, dans un esprit de compétition ou dans un esprit de faire mieux à chaque fois, etc. Ça, c'est arrivé après. Mais ouais, au tout début, c'était tant que je perds du poids, moi, c'est bon, je continue. Donc, tu dis que c'est arrivé après. Donc, c'est-à-dire que maintenant, mentalement, ça a changé aussi. C'est-à-dire que tu prends plaisir. Enfin, t'as compris, entre guillemets, compris le plaisir à courir. Je veux dire, autre que la perte de poids, l'intérêt, c'est... Ouais, j'ai découvert un vrai sport. Hein. Ouais. Voilà. J'ai découvert vraiment la course à pied, mais vraiment dans le côté technique. Aussi avec l'état d'esprit un petit peu de... Bah voilà, avoir ses chronos en tête et avoir toujours... Bah, avoir vraiment faire ses RP sur chaque course, etc. Ma mentalité, elle a bien changé. Maintenant, je cours plus pour perdre du poids. Hein. Je cours vraiment parce que j'ai envie de m'améliorer dans mes allures, sur ma technique de course. Je viens pas aux entraînements pour me dire « Allez, cette fois, on va brûler des calories pour qu'après, demain, je me pèse et c'est bon. » Et donc, du coup, tu avais cet esprit de compétition un petit peu avant ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non, donc, ça, c'est venu après ? Ça fait partie du changement ? Je pense que c'est venu à partir de ma première vraie course. Ouais. La motivation de je me suis dit ah bah finalement je vaux ça, peut-être que du coup dans 2 mois si je continue je vais faire moins et moins et moins, et après en vrai l'esprit de compétition il est arrivé bien après, hein. Ça a changé ton rapport à ta valorisation, entre guillemets, je veux dire de te rendre compte de ce que t'étais capable sportivement, ça t'a fait quoi? Je me suis rendu compte que j'étais quand même capable de... Au début, pour moi, courir, j'étais pas capable de courir plus de 3 km. Enfin, je disais, la course à pied, c'est pas pour moi. Le cardio, c'est pas pour moi. M'en parlez pas, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que je pourrais courir 10 km. J'ai même couru un semi-marathon. Ça, c'était impensable. Mes parents, ils sont venus me voir tellement ils étaient choqués, quoi. Enfin, on n'aurait jamais pensé que moi, j'allais courir un semi-marathon 2 ans en arrière. Donc, forcément, ça valorise. On se dit qu'on repousse tes limites, en fait. Oui, oui, tout à fait. Alors, on va faire une petite pause musicale. Du coup, c'est toi qui l'as choisie. Je te laisse la présenter. Je vais faire écouter ma musique qui me motive bien avant les courses, pendant la course ou avant les entraînements. C'est de la funk. Donc, voilà. c'est dans ce que j'ai été baignée quand j'étais petite. Et la musique, c'est Reach Out de George Duck. Impeccable. On écoute. Make you mine. I'll make you mine. Your heart, girl, soul to me. Oh, mine. getting my attention. I think I see what you have planned to do. With some excuse you leave the table. You want to meet me near the powder room, yeah. I follow you without his notice. You touch my hand and slip your number to me. Sport sur Fadjet. Alors, on est de retour avec Julie après cette petite pause musicale. Donc, Julie, on était sur ton premier semi-marathon qui était impensable il y a 2 ans. Voilà. Et du coup, c'était une de mes questions, c'était quelle a été la réaction de ton entourage par rapport au fait de vouloir se mettre au sport alors que tu n'en avais jamais fait avant, que à la course à pied, puis cette détermination de poursuivre et jusqu'au point de s'inscrire dans un club. Et bah, de une, t'as maigri. Je crois que c'est le premier truc. C'est le premier truc qu'on t'a dit. Bah ouais, bah oui. Et non, de deux, bah je te pensais pas capable de faire ça. Enfin, mes parents, ils pensaient que j'allais. C'était bienveillant, les remarques? Ah oui. Ah non, oui. Bah, comme je suis assez ouverte sur l'histoire de mon poids, etc., du rapport au corps. C'était bienveillant, hein, c'était la vérité, hein, de toute façon. Donc, bienveillant, et puis que bah, je suis la première à me dénigrer, dans le sens où je me suis dit, oh, j'arriverai jamais à faire un semi-marathon, et puis en fait, je l'ai fait, et du coup, oui, c'est vrai que la première réaction de mes parents, c'était, oh, on pensait pas que t'allais passer la ligne d'arrivée, quoi. Non, ils se sont dit, on s'est préparé à venir te chercher, on sait jamais, quoi. Ah oui, ils étaient venus, c'était en mode secouriste. Bah oui, parce qu'ils ont pas forcément suivi mes entraînements, ils se rendent pas compte, en fait, de comment je m'entraîne. Voilà, je les vois une fois par semaine et quand on se parle, on parle pas de mes entraînements. Donc forcément, ils n'ont pas eu conscience, je pense, de la progression que j'ai fait. Je leur ai dit un jour, bah écoutez, je me suis inscrite au club d'athlétisme de Nancy. Ils m'ont dit d'accord. Et 8 mois plus tard, je leur ai dit, bah venez me voir au semi-marathon. Ils me disent, tu fais un semi-marathon, mais ça va, quoi. La tête, non mais t'es folle. Un semi, mais c'est combien? Voilà, ouais, c'est ça. Il y a marathon, c'est ça fait peur. C'est un semi de combien? C'est un semi de combien, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Et donc du coup, tu dis que tu as changé ton hygiène de vie au niveau alimentation. Est-ce que comme tu sortais beaucoup, est-ce que tu me parlais de 4 heures de sommeil par nuit, ou est-ce que le sommeil également t'a changé un petit peu, t'as revu le ça? Sommeil, ça fait partie de ça fait vraiment partie des points forts, on va dire, d'avoir vraiment une bonne hygiène de vie, que le physique va avec, même au niveau de la récupération. Ah bah oui, si je veux conseiller quelque chose, c'est vraiment de faire ses 8 heures, quoi. Ouais, absolument, ouais. Et donc dans ton travail également, parce que 4 heures par nuit, après t'étais étudiante. Ouais, j'étais étudiante. Ouais, le salariat n'est venu qu'après avec des horaires bien précis. Oui, je faisais déjà bien minuit. J'avais arrêté de sortir comme je sais pas quoi une fois que j'étais employée. Hein. Oui, ouais. Oui. Et donc du coup, t'as Manip Radio, t'as des horaires décalés par contre. Ah ouais, oui, j'ai des horaires décalés. Je fais des gardes de 24 heures des fois, des 12 heures. On fait des nuits, des jours. Oui, oui. Et t'arrives avec les horaires décalés à gérer au niveau. Alors, on avait fait une émission complète sur ça, mais ouais. Au niveau alimentation, sommeil, tu le gères comment? Moi j'ai la chance de pas être dans un hôpital où c'est l'usine, donc ouais. C'est-à-dire que les nuits généralement ils sont cool et ils nous laissent dormir. D'accord. Donc je pense que je sens pas autant le décalage qu'une infirmière qui est vraiment de garde debout toute la nuit. Ouais. Donc au niveau de l'alimentation ça change pas, par contre j'ai toujours mes horaires stricts, c'est-à-dire que je décale jamais mes heures de repas. Des repas sont pas décalés? Non. D'accord. Donc à 19h, ils savent que je vais manger, le matin aussi, le midi aussi, j'ai vraiment toujours les mêmes horaires. Et ça, c'est une routine que tu as instaurée, pareil, dans le cadre de ton hygiène de vie, ouais. D'avoir des horaires bien stricts pour ouais, les repas ouais, ouais, ouais. Et puis rien entre, j'imagine. Ou t'as une collation? Des collations, après ouais. Ça dépend, quand j'ai des entraînements, oui. En fait, après, je fais vraiment intuitivement aussi. T'es pas suivie par un diététicien? Non. T'es jamais allée voir un diététicien? Je suis déjà allée voir une diététicienne pour un rééquilibrage, voilà. Ouais. Après... Je pense que je me débrouillais bien toute seule aussi. Ouais. Je me suis vraiment beaucoup renseignée là-dessus. On va dire j'ai un peu tout testé aussi. Mmh. Hein. J'ai essayé les jeûnes intermittents, les choses comme ça. J'ai vu ce qui a marché pour moi parce que je sais que c'est pas pareil pour tout le monde. Et j'ai pas eu le besoin de revoir une diététicienne par la suite. Mais si, j'en ai déjà vu une. Et alors, est-ce que tu as rencontré des obstacles quand même, enfin, dans ton parcours, à partir du moment où tu te dis, je me mets au sport, je vais perdre du poids, ça ne vient pas forcément, ouais. Je vais faire l'alimentation, pareil, il y a un moment donné, enfin, je ne sais pas, mais il y a bien des moments où tu as envie de chocolat quand même, ou des oui, choses oui, comme oui, ça. Oui. Donc, est-ce que tu as rencontré des moments un peu plus durs que les autres Alors moi, je ne me suis jamais frustrée. En fait, après, je pense que c'est grâce aussi, comme j'ai pas mal de connaissances en termes médicales, physiques, je sais que ce n'est pas un McFlurry qui va me tuer ma perte de poids. Ouais. Donc c'est vraiment toute une histoire de calcul. Donc je calcule quand même mes calories, mes macros, à peu près savoir combien j'en suis dans la journée et savoir à peu près qu'est-ce que je me fais, enfin si je me fais plaisir, oui ou non. Après, je ne suis pas du tout sûre de la frustration. Si j'ai envie d'un truc, je le prends. C'est réfléchi en fait bien à l'avance. Même je faisais mes programmes, etc., mes repas par semaine. Et ça, le fait de le voir écrit, ça me permettait vraiment de me programmer dans ma tête aussi, de me dire ce jour-là, tu manges ça. Et puis pas autre chose, mais après il y a des imprévus et c'est tout. Après faut pas culpabiliser par rapport à ça. Et alors on parlait de réaction de ton entourage, donc ta famille, c'était réaction très favorable. Tes copines, elles ont dit quoi quand t'as dit maintenant je vais commencer à dormir et puis à manger correctement et c'est un peu dur à gérer. Elles ont dit on reparle la semaine prochaine quoi, ouais. Jusqu'à la prochaine sortie, jusqu'à la prochaine fois, parce qu'à chaque fois je disais allez lundi je commence, j'étais pleine de bonne volonté, ouais. Puis à la fin de la semaine j'avais déjà abandonné et on me retrouvait déjà au bar, quoi. La mise en route, c'était quand la même mise en route un peu a chaotique. Été compliquée, ouais, ouais. Après, une fois sortie du confinement, j'ai dit non, mais là, vraiment, je le fais. Et je m'y suis tenue. Et après, les résultats, en fait, ils sont venus vraiment hyper rapidement. Donc c'était motivant, quoi. Bah ouais, le fait d'avoir vraiment des résultats, au début, c'est très dur. Là encore, j'ai du mal à perdre justement les kilos de reprise de sport, là, à cause de la blessure. Ouais, c'est vrai que c'est un obstacle, quand même. C'est long, mais... Il y a le mental derrière. Ouais, il y a la volonté. Tu sais que tu ne retourneras pas en arrière à te dire à un moment donné, ouais, c'est trop dur, je lâche tout et je retourne au bar, c'est plus sympa. Quoi. Maintenant, c'est devenu vraiment mon mode de vie. Ouais. C'est-à-dire que forcément, je suis sortie de l'école. Donc, tous mes amis d'école, je ne leur parle pas forcément à l'heure actuelle. C'est vrai, c'était vraiment la période, la coupure, je pense. Ouais. Ouais, c'était vraiment la période qui faisait qu'on est sortis tout le temps, que voilà, j'ai bien profité. Maintenant, ça a changé, je suis employée, donc du coup, je fais 39 heures par semaine, donc je ne peux plus me permettre d'aller au bar à mardi soir. Enfin, du coup, non, c'est vraiment là, maintenant, c'est devenu mon mode de vie. Du ouais. coup, c'est comme c'est ça. C'est ancré, quoi. C'est ancré, ouais, ouais. C'est vraiment une discipline, en fait. On a juste à l'installer. Au début, c'est dur, et puis en fait, après, c'est mécanique. Et ça ne te demande pas d'effort. Non, c'est vraiment. Tu prends plaisir, quand même. Oui, complètement. Ouais, ouais. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui est un petit peu dans ton cas? Enfin, si tu rencontres une jeune fille, par exemple, qui dit « Ouais, non, mais moi, j'ai des problèmes de poids, mais... » qu'est-ce que tu pourrais lui dire comme phrase pour la motiver ou pour lui expliquer? Bah, je pense déjà c'est important de faire le point sur ce qui ne va pas, parce que souvent les gens qui ont envie de perdre du poids, ils se disent bon bah à partir de demain je mange plus, enfin ils prennent tout de suite des mauvaises habitudes, je fais un jeûne ou des choses comme ça. Je pense que le but c'est de faire le point, et si ça se trouve c'est juste un tout petit truc à changer qui peut être même psychologique finalement. Des fois ton hygiène de vie elle est super, ton sport il est super, mais tu perds pas de poids ou tu veux peut-être en prendre même, hein, ça marche aussi dans les deux sens. Il suffit juste de quelque chose, juste un tout petit truc à changer. Et donc je pense que si j'avais quelqu'un en face de moi qui me dirait je veux perdre du poids, je dis ben on va déjà trouver le problème, le régler, et tu verras c'est peut-être pas juste plein d'habitudes à changer, mais une seule en fait finalement. Et par contre tu lui conseillerais direct le sport, absolument le sport ou pas? Non, pour moi l'alimentation ça reste quand même le principal. Et mentalement le sport a pas joué quand même? Par contre ouais, le sport au niveau mental il joue énormément, Oui, parce que pour l'alimentation mentalement, je à part de la frustration, moi perso je vois pas trop. Après si tu me dis le contraire, je te crois. Mais... Après parce qu'on pense on pense tout de suite régime. Mais justement moi je bannis complètement ce mot de mon. Tu vois, j'ai pas dit une seule fois j'ai fait un régime. Hein. Parce que vraiment pour moi le régime égale frustration. Ouais. Et c'est juste vraiment un rééquilibrage, et on peut faire vraiment des recettes super, en fait, hyper gourmandes, alors que c'est de manière allégée, de manière protéinée, etc. Après, c'est toute une balance à faire. Donc non, des fois, l'alimentation, finalement, ça peut faire aussi du bien au corps quand elle est complète et qu'on mange quand même à sa faim. Et voilà, il faut juste choisir les bons ingrédients, les bonnes recettes, et puis et voilà. Et donc, quelqu'un qui voudrait se mettre au sport, enfin, toi, ton déclic, c'était... Un sport qui plaît. Un sport qui plaît. Ouais. Pas forcément collectif. Faut pas chercher collectif. Le sport qui... Aussi, c'est un sport collectif. Mais alors, tu dis un sport qui plaît, alors que tu m'avais dit que tu dis... j'aurais jamais pensé à la course à pied. La course à pied, c'est pas pour moi. Parce que moi, j'avais rien de collectif sous la main. Si d'accord. Quelqu'un a envie de c'était faire la plus facile, du basket, la mise en œuvre. Du basket. D'accord. Quoi. Après, moi, c'était j'étais toute seule. J'avais vraiment pas de sport collectif là sous la main à m'inscrire dans un club. Surtout, en plus, après... Souvent, quand on s'inscrit dans un club, c'est quand on est jeune, je trouve. Oui, c'est vrai que c'est plus facile. C'est rare de... Ou avec un petit niveau, d'arriver débutant adulte, oui, je comprends que ça peut être compliqué. C'est ça, quand quoi. On est déjà, dans les départements, même les départementales, c'est déjà des gens qui jouent déjà depuis un moment ensemble. Donc c'est pour ça, le prendre des baskets et aller courir, moi pour moi, c'était le plus simple, en fait. C'est la mise en œuvre, c'est la plus simple. Voilà, j'ai choisi la course à pied parce que pour moi, c'était le plus simple à mettre en œuvre. Après, non, si quelqu'un veut faire du sport, il faut juste que ce soit un sport qui plaise. Si c'est la natation, le vélo, enfin voilà, peu importe. Il faut juste avoir du plaisir à le faire. Et alors, donc, le pilates que tu dis avoir intégré récemment, ça fait combien de temps que tu fais du pilates? Ça fait un an. Un an. Non, c'est vrai. Et comment t'es venue au pilates, du coup? Eh bah, ben, je me suis blessée. Du coup, je n'avais plus le droit de mettre de charge sur mon pied. D'accord. Donc, ça réduit quand même pas mal. Oui, même pour la muscu, c'est compliqué. Ouais, même pour la muscu, j'avais pas le droit. Hein. J'avais pas le droit de faire de squat, quoi que ce soit. Même le vélo, c'était limite. Et en fait, le pilates, c'est venu au... Je suis partie aux États-Unis. Et là-bas, c'était un peu le sport à la mode, comme à l'heure actuelle en vrai en France. Hein. Ouais, On a un petit peu de retard, mais on a un peu de retard tout le temps là-bas. Voilà. et c'est là-bas que j'ai commencé le pilates sur machine, du coup, sur un reformer. Et j'ai jamais eu autant de ressenti avec la muscu. C'est-à-dire que je sentais vraiment tous mes muscles. J'avais des courbatures. Et puis, ça m'a vraiment aidée au niveau de mon gainage, au niveau de ma posture. Et même, il y a tout un travail de respiration. Et c'est limite aussi un peu yoga. Donc, il y a un peu aussi ce côté psychologique, spirituel. Ouais, exactement. Et en fait, ça prenait tout ça en compte et sans me blesser. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, en fait, ce sport. Parce que du coup, tout le monde peut le faire, finalement. Ça peut plaire à tout le monde. Donc après, c'est quelque chose de lent, c'est sûr, on n'est pas du tout sur du cardio, j'ai pas les BPM qui s'affolent quand je fais du pilates. Ben, c'est possible. Après, donc c'est complémentaire, tu dirais pas que c'est seulement le pilates, quoi. Oui, voilà, après, y a d'autres formes de pilates, je sais qu'il y a du pilates un peu plus cardio, etc. Mais on va dire, moi, sur la forme que j'ai, sur le pilates que je fais, c'est vraiment plus renfo, gainage et respiration. Et en fait, c'est juste que j'ai jamais eu autant de ressenti avec un seul sport, quoi. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est fou, il faut que je creuse parce que c'est hyper intéressant. Et je l'ai intégré complètement à ma routine. Alors, et donc, t'as même un petit projet qui va derrière? Ouais, c'est ça, j'ai un petit projet. Donc, à partir du mois de novembre, en fait, je me suis inscrite pour faire mon CQP, pour avoir une carte professionnelle pour faire... CQP certification qualificative professionnelle. Voilà. option, du coup, loisirs sportifs, activités gymniques, d'expression, et puis le deuxième E, je sais plus, il veut dire quoi. Pour avoir une carte professionnelle, pour pouvoir du coup animer justement ce type de séance-là, en fait. Parce que moi, mon but, ça serait en fait d'ouvrir un studio de Pilates. Donc en fait, t'es passée de zéro sport à offrir le sport aux autres. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, ça m'a fait tellement du bien que j'ai trop envie de montrer aux autres personnes que vraiment, faut tester parce que c'est quand même assez incroyable. Enfin, moi, l'effet que ça m'a fait, c'était j'étais conquise, quoi. Et après, j'ai voulu aller toujours plus loin. De toute façon, j'ai toujours plus loin dans mes idées. Donc ça peut devenir un projet professionnel à part entière ou pas ? Bah pourquoi pas, pour le moment je pars pas de l'hôpital, hein, ça reste ma sécurité avant tout, de l'emploi, mais en tout cas cette année ça va être vraiment l'année de formation, l'année de test, et puis pourquoi pas à temps partiel à partir de 2026 et puis à voir comment ça prend en fonction de l'offre et de la demande. Donc c'est un bel exemple, hein. Enfin, je te le dis franchement, on en avait discuté auparavant en préparant l'émission un peu, puis enfin, à titre perso, et en fait de partir de rien à arriver... Le sport, t'as... En fait, ça m'anime complètement. Ça t'anime maintenant, complètement. Ça fait partie de moi. Hein. Alors oui, là, et puis il y a une autre chose, en fait, c'est que donc t'as un compte Insta, muscu, principalement. Bon, un peu de tout. Franchement, je partage tout ce qui est côté sportif, du coup. Mais muscu, course à pied, il y a un peu de tout. Et en fait, c'est super sympa, ce que j'ai trouvé super sympa dans ce compte Insta, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas un compte Insta sportif en mode glamour. Non, justement. Je ne partage que mes réussites. Au contraire, on voit tout. Il y a tout. Il y a le côté je transpire, il y a le côté j'en peux plus, etc. Donc, si tu as le compte Insta, si tu veux bien nous le donner. Oui, mon compte Insta, du coup, c'est Fit Food Athlete. Voilà, et je vous invite vraiment à aller voir parce que il y a tout, c'est vraiment transparent, il y a les moments de victoire entre guillemets et il y a les moments où c'est dur et on doit transpirer et en fait c'est hyper motivant, je trouve. Quand j'ai commencé le sport, j'étais un peu victime des réseaux sociaux parce qu'en fait on fait que de se comparer tout le temps. Mais oui, mais on donne que le bon côté. Et on donne que le bon côté. Et je me disais tout le temps, ah, ça là, c'est fou, les filles là, elles font quand même 45 minutes au 10 km, c'est peut-être ça la norme, et elles ont l'air de pas transpirer. C'est vrai qu'on voit tout le temps des exemples en fait. Et puis je me suis dit, moi je vais montrer comment je suis, ce que je suis, à quel point je galère, moi, dans mes entraînements. Moi je trouve ça, génial. Il y a deux quoi. Semaines, j'ai posté ma première fois que mes pédales automatiques. Là, voilà quoi. Après, c'est pour qu'on puisse aussi s'identifier un peu. C'est-à-dire que, non, il n'y a pas que réussite et meilleur chrono. Il y a aussi les débutants comme moi qui partent de rien et puis justement qui arrivent au final à. Faire quand même de grandes choses, je trouve. Oui, non, c'est pour ça, je te dis, je salue vraiment le personnage, quoi. Ah, je m'en fous de me filmer avec mes têtes d'efforts là intenses, pas un problème. Voilà, et je te remercie, Julie. Défi sport sur Fadjet. Alors, merci, Julie, pour ce témoignage, vraiment sincère. Ouais. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés et on se retrouve, pas le mois prochain parce que c'est les vacances sur Fadjet, mais à la rentrée avec une petite nouveauté dans le concept. On garde l'émission Défi Sport avec que des filles et du sport, mais il y aura quelques petites nouveautés. Allez, à bientôt.